cicatrice dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. Trop de cicatrices dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. Depuis le commencement, on ne cesse de lutter, on ne cesse d'éviter les pièges tendus par la vie. On a hérité d'un statut à vie de mec de cité. Tu veux que je te donne mon avis, je vais pas hésiter. Je finirai pas sur le parvis, donc je viens relater ce qui se passe dans ma vie. Chitas et civil, tistas, type hostile dans ma ville en crise. Y'a pas de radma, en plus on te nique ta race si tu raques pas. Et ouais, c'est chaud comme la pression que te met tes remparts. L'impression de devoir gravir des remparts. Pour s'en sortir, je finirai pas en rampant, plutôt en rappant. Sans répit, je dois me reprendre avant que je me repentisse. Il faut que je remonte la pente, que je respisse. Mais dans ma tête, trop d'idées sombres, donc j'appuie sur la détente, j'appuie sur la détente. Trop de cicatrices dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. Trop de cicatrices dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. Laissez-moi passer, rapper ce passé corsé, forcé de recoller les morceaux. Un petit texte, texto, recto, verso. Je laisse mes regrets dans un rétro perso. Pour ça, que tu peux dire ce que tu veux sur moi, ça n'enlèvera jamais l'estime que j'ai pour moi. T'es novice, je vais t'expliquer nos vices. Le refus du malheur, le désir d'exister, incité, illicite, système D. Ici y'a que l'illicite comme système D. Mais c'est la délinquance qui vient masquer nos sentiments. Cicatrise avec un pack, un glisse de sac de ciment. Si tu connais un petit peu l'Icaon, baisser les bras c'est pas la spécialité maison. Non non, on aime le bob boxon. Baiser l'état c'est ça la réalité béton. Trop de cicatrices dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. Trop de cicatrices dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. J'ai grandi avec des mecs trop avides et perfides. Les grands retiennent des exemples, une genre de relation père-fils. Le bonheur une illusion, sans David Copperfield. Le business c'est comme la clope, ça l'habitude qui persiste. Je sais que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Mais le hic, c'est que certains dans le pire sont devenus les meilleurs. Sans peur, faut faire face, même si l'ennemi nous assaille. Rester unis la tête haute, comme les guerriers massaillent. Assailli par les problèmes, ça y est, la coupe est pleine. À la haine, à la tienne, renvoyer la balle au mal, à la pute sans trace. Ma vie s'est remontée malgré les bouteilles qui s'entassent et les crises d'angoisse quand le beat s'embrasse. Ici né d'un stainé à rapper sa life, appuyable, antidote, des cicatrices malades. Des cicatrices malades. Trop de cicatrices dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. Trop de cicatrices dans mon cœur, dans mon cap psychiatrique. La vie me traumatise, je la connais par cœur. J'ai trop mal, j'tise, évite de tomber par terre. Je veux le salaire à part cœur avec mon rap hardcore. Dédicace à ceux qui ont trop de cicatrices.